t'as la mémoire courte. Ah, t'as oublié tout ce que j'ai fait pour que tu sois qui tu es. T'as la mémoire courte. Ah, yeah. Je t'ai donné sans jamais demander de me restituer. Tu m'as tourné le dos sans prévenir. Ce qui me fait mal, c'est que je l'ai pas vu venir. Cherche un mot plus fort que Jésus. Donc de ton côté, maintenant ta langue, tu sais plus la retenir. Pour t'arranger, moi j'ai tout tenté. Jusqu'à mettre certains de mes projets en attente. Ça glissera mieux si je le chante. Tu fais partie de la pire des races, ingrate et gentil. J'ai beau me le dire à chaque fois. Trop donné, c'est pas bon pour moi. Yeah. Est-ce que t'as été sincère une fois? Ou bien jamais, tu m'as jamais vu comme je te vois. Yeah. J'attends pas qu'on me le rende. Si je t'ai monté, c'est pas pour te faire redescendre. Mais tu t'es enflammé dans la montée. Jusqu'à réduire tout ce que j'ai fait pour toi ensemble. T'as la mémoire courte. Ah, yeah. T'as oublié tout ce que j'ai fait pour que tu sois qui tu es. T'as la mémoire courte. Ah, yeah. Je t'ai donné sans jamais demander de me restituer. Et maintenant tu parles dans mon dos, toi. Tout ça pour te valoriser. En fait tu veux juste briller solo. Et maintenant tu craches dans mon dos, toi. Tu utilises tout ce que je t'ai confié. Tant pis si ça me fait rester sous l'eau. Hey, hey, hey. Tu me fais regretter de t'avoir élevé. Ça m'énerve encore plus d'être énervé. Je t'ai considéré comme pas beaucoup. Tu t'es servi de moi jusqu'à ce que tu puisses acheter tes ceintures élevées. Tu rends mon cœur un peu plus sombre. Si je te demande pourquoi tu saurais pas répondre. Puisque briller c'est tout ce qui compte. Je te souhaite l'obscurité, l'avenir et comme ton ombre. Je peux pas dire que ça m'avec toi. Je t'ai donné ma confiance et tu me la rends comme ça. Je peux pas dire que ça m'avec toi. Des années ça ne s'efface pas comme ça. Aujourd'hui t'as choisi ton camp, ouais. Mon dos est large, il encaisse depuis trop longtemps, ouais. Je veux quand même que tu l'entendes. Quand tu tomberas je serai le premier content. T'as la mémoire courte. T'as oublié tout ce que j'ai fait pour que tu sois qui tu es. Est-ce que t'as vraiment oublié? T'as la mémoire courte. Ah, yeah. Je t'ai donné sans jamais demander de me restituer. Et maintenant tu parles dans mon dos, toi. Tout ça pour te valoriser. En fait tu veux juste briller solo. Et maintenant tu craches dans mon dos, toi. Tu utilises tout ce que je t'ai confié. Tant pis si ça me fait rester sous l'eau.